belligérants de notre héritage. Nos idoles combattent, traverseront les âges. Nos ancêtres sont vaincus, ils sont morts pour nous. Prendront le pouvoir et nous régnerons un jour. Pour ceux qui osent s'opposer à nos idées, car chaque race ennemie sera massacrée. Pour tous ceux qui ne croient pas en notre combat, sachez que bientôt nous imposerons nos lois. En un seul moment, nous tous réussirons. Ce qui nous appartient pas la force, nous reprendrons. Quel que soit notre niveau d'étude ou notre social, tous ensemble vaincrons le mal. Ils ont semé la peur et le trouble. Ce qu'ils auront portera l'onde de mort. Ils tuent nos enfants et violent nos filles. Il est temps de réagir face à ce bétail. De régir la flamme, celle qui brûle aux côtés de vos âmes. Dieu nous accompagne dans notre quête et notre victoire se célébrera une gigantesque fête. En un seul moment, nous vaincrons. L'obéissance et le respect, nous les obtiendrons. Quel que soit notre sexe ou notre âge, dans l'histoire nous jeterons notre vache. Notre héritage, nos idées, notre combat traverseront les âges. Nos ancêtres sont battus, ils sont morts pour nous. Nous prendrons le pouvoir, ouais, nous régnerons un jour.